de ceux qui ne rient plus. Enfin quelque chose à faire aujourd'hui.

souhaite en bas. Au majeur temps, tu fais vraiment l'affaire. Les journaux font juste parler toi à TV. Puis tout le monde veut savoir si te le coup de sauter. De contrôle, je passe au travers de la porte. Je me sens flotter d'une manière un peu foquée. Les étoiles sont belles, tu sais, je suis bien basé. Dans une boîte en fer plein, loin au-dessus de vous autres. La planète Terre est bleue. Que c'est que tu veux que ça me collisse? We have a report from the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. Flight director confirms that. We are looking at checking with the recovery forces to see what can be done at this point. Thank you.